Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se réunit comme chaque semaine pour parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Et aujourd'hui, que des bonnes nouvelles, incroyables. Ça arrive. Comment ça va Sophie? Et comme tu l'as dit, des bonnes nouvelles, alors plutôt bien. Tant mieux. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous parler d'ailleurs en tant que bonne nouvelle? Eh bien, on a retrouvé un oiseau qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Donc moi, je classe ça dans les bonnes nouvelles. Voilà. Ah bah, il faut. Quand même, hein. Il faut. Et moi, je vais parler de la construction d'un hôpital, un hôpital de kiwi, en Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Alors, on va pas parler que de la création de cet hôpital, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, à moins que tu veux que je commence à parler du kiwi, symbole mais c'est comme tu le de sens. La Nouvelle-Zélande. Vas-y. Commençons du coup par parler du kiwi. Le kiwi, du coup, symbole de la Nouvelle-Zélande, comme dit précédemment. Symbole pour les Maoris, bien sûr. Symbole encore aujourd'hui de la Nouvelle-Zélande. C'est l'oiseau national, l'emblème national de la Nouvelle-Zélande. Il est même présent sur les pièces de 1$ de la Bank of New Zealand. Donc, ce qui est quand même assez important. Puis on le retrouve sur quelques blasons également. Assez représenté le kiwi. 5 espèces de kiwi, mine de rien, qu'on peut trouver. Le kiwi de Mantel, qui est l'espèce la plus septentrionale, donc l'espèce qu'on trouve le plus au nord. Mm-hmm. On a le kiwi roa qui, lui, est présent sur l'île du Sud, parce que la Nouvelle-Zélande est séparée en deux. Hein. On a une grande île au nord et une grande île au sud. D'ailleurs, la capitale Wellington se situe sur l'île au nord. On a le kiwi austral qui, lui, se situe vraiment tout en bas de l'île du Sud. Le kiwi d'Ocarito, qui est un kiwi qui a été découvert en 2003. Ou plutôt, au départ, on pensait qu'il y avait 4 espèces de kiwi jusqu'en 2003, où le kiwi d'Ocarito a été séparé d'une autre espèce. Donc, du coup, le kiwi d'Ocarito est devenu une espèce à part entière. Toute petite aire de répartition pour le kiwi d'Ocarito. Et le kiwi d'Owen, qu'on trouve principalement sur quelques petites îles attachées ou presque à la partie nord de l'île. On parlait du kiwi de Mantel, c'est celui qui est le plus présent parmi toutes les espèces de kiwi, mm-hmm. puisqu'on compte aujourd'hui à peu près 25 000 individus vivants. Ah oui, l'espèce est classée vulnérable par l'IUCN, mm-hmm. Espèce qui était avant classée dans danger. Mais à partir de 2017, ce classement a changé pour le kiwi à la vue des augmentations de ses effectifs. Alors, augmentation de ses effectifs parce que à partir des années 2000, ça a été un petit peu compliqué pour le kiwi parce qu'il faut savoir que on suppose qu'il y avait à peu près environ les années 1900 12 à 13 millions de kiwis qui existaient, toutes espèces confondues. Sur l'île de la Nouvelle-Zélande. Et on a aujourd'hui, on s'est retrouvé aux alentours des années 2000 à peu près une population estimée à moins de 70 000 kiwis. Ce sont des chiffres catastrophiques. Ça fait pas beaucoup, oui. Puisqu'on a quasiment perdu l'intégralité de la population. Alors pourquoi on a perdu cette population? Et bah, encore une fois, on revient toujours aux problématiques classiques, à savoir la destruction de l'habitat, la fragmentation de cet habitat, et aussi, et c'est une des causes très importantes de la disparition des kiwis, la prédation. Prédation d'oiseaux. Ça, c'était surprenant. Je ne savais pas qu'il y avait des oiseaux qui chassaient le kiwi. Petit effectif, mais qui chassaient le kiwi quand même. Mm-hmm. Mais surtout, tout ce qui va être mammifères, tout ce qui va être chats, par exemple, qui vont être responsables de la destruction. Les opossums également, qui vont être responsables de la destruction, soit des nids ou du fait d'avoir tué les individus qui, on rappelle, ne volent pas, hein, puisque ce sont des oiseaux qui ne volent pas, les kiwis. Alors pour ça, le gouvernement a décidé de prendre les devants. Et il faut savoir que c'est un projet qui a été lancé il y a très longtemps, puisque c'est un projet qui date des années 1996. Le gouvernement a lancé un plan de recovery, donc l'objectif était de conserver l'animal et ensuite de restaurer ses populations, qui tenait sur 10 ans, de 1996 à 2006. Vous pourrez retrouver ce PDF avec toutes les informations concernant ce fichier dans la description du podcast, sachant que on parle d'un projet sur 10 ans pour toutes les espèces de kiwi. Donc aussi bien le kiwi de mantel que nous avons cité précédemment que le kiwi d'Ocarito qui a été la dernière espèce qui a été décrite en 2003. Mais qui devait donc, pas ce être programme connu, qui devait pas être connu quand le programme a été lancé. À cette époque. Mais du coup, on a segmenté les deux populations, mais effectivement, n'était pas connu à cette époque-là. Et puis en parallèle, il y a plein de programmes de conservation qui ont eu lieu à différents endroits de la Nouvelle-Zélande. On peut par exemple parler du Kiwi Encounter au Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park, qui lui se situe sur l'île du Nord, qui a pour but justement de modérer, de monitorer les différents individus présents sur l'île au Nord. Et on a aussi des associations, diverses associations qui ont pour objectif de protéger et de sanctuariser les différentes zones où le kiwi vit. Et justement, ça nous amène à 2023 avec KiwiCoast. Pourquoi on parle de ce projet? tout simplement parce que KiwiCoast a lancé un hôpital pour kiwi. C'est un hôpital qui se situe au nord de l'île, qui va donc concerner surtout le kiwi de mantel, qui a ouvert juste à l'ouest de Wellington. Et pour la petite anecdote, le premier animal qui a été soigné dans ce centre de réhabilitation, mais aussi de soins, c'est un oiseau qui s'appelle Splash, parce que c'est un oiseau qui s'est retrouvé coincé dans une conduite. Il est tombé dans un filtre de piscine et il a été retrouvé par un ouvrier, il a été soigné et ensuite il a été relâché. Donc le centre a ouvert pas plus tard qu'il y a quelques jours, le 23 février pour être précis. Et ce centre, finalement, c'est l'aboutissement de 10 ans déjà pour le KiwiCoast, puisque le programme est né en 2013, donc il va sur ses 11 ans, mais on a fêté les 10 ans du projet en 2023. Et grosso modo, à quoi sert ce programme? Il sert évidemment déjà à recenser le nombre de kiwis, à éliminer les espèces envahissantes. Alors j'utilise le terme envahissante, mais c'est pas le terme que je devrais exister, ce serait plutôt espèces exotiques envahissantes, mais l'objectif, c'est d'éliminer tous les parasites qui peuvent justement porter préjudice à l'animal. On a parlé des chats, mais il y a d'autres animaux. J'ai d'ailleurs une petite liste parce qu'on parle des chats bien sûr, mais on a aussi tout ce qui est mustélidés, on a des lapins. Oui, on a des hérissons, des hérissons, ça je ne savais pas, tout ce qui va être rat bien sûr, et puis les opossums, ça c'est vraiment ce sont vraiment responsables de la disparition des kiwis. Et sur ces 10 années, ce sont pas moins de 708 000 individus qui ont été capturés. Par les différents collectifs, parce que KiwiCoast se réunit en collectif et des collectifs s'occupent d'une zone plus ou moins précise géographiquement. Et donc ce sont des animaux qui ont été par la suite capturés pour justement faire en sorte que le kiwi évolue dans un environnement un petit peu plus sain. Ce sont 200 communautés qui se sont réunies uniquement sur la partie extrême nord de la Nouvelle-Zélande pour pouvoir piloter ce projet. Leur site est assez complet, vous avez même une carte où vous pouvez voir vraiment ces différents groupes et leurs différents adjoints. Et vous avez également le rapport de ces 10 premières années où on voit effectivement l'évolution de ce programme qui a pour but, de faire prendre conscience aux gens de la fragilité du kiwi. Il y a plein de conférences qui sont organisées, il y a des rassemblements qui sont organisés, il y a des festivals qui sont organisés, il y a aussi des conférences qui sont organisées. Pour faire en sorte, par exemple, que les chiens, qui peuvent être aussi des problématiques pour les kiwis, se tiennent bien lorsque l'animal se présente en face d'eux. Donc il y a des stages où justement les maîtres sont amenés à emmener leurs chiens pour justement faire en sorte qu'ils ne s'attaquent pas aux kiwis. Et à travers ce rapport d'une dizaine d'années, on voit comment les communautés se sont appropriées les différents territoires, et on voit comment ce maillage a pu permettre justement le parfait repère des différents oiseaux, mmh. et aussi par la suite la capture des différentes espèces que j'ai citées précédemment qui portaient préjudice à l'oiseau. Donc voilà, ce sont un paquet de choses qui sont réalisées par Kiwi Coast, ce qui fait que le nombre d'individus au total de la Nouvelle-Zélande est en augmentation. Aux alentours des années 2000, on était sur à peu près 70 000 individus. On serait à peu près aujourd'hui à 90 000 individus environ. Et mm-hmm. pour le kiwi de Mantel, on est passé d'environ 20 000 individus à peu près 26 000, 27 000 individus. Ce qui montre mm-hmm. que le kiwi est extrêmement bien protégé par la Nouvelle-Zélande. On le savait déjà avec le Strigops kakapo qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Même si c'est un cas encore plus particulier, mais c'est pareil pour le kiwi. On a des courbes d'augmentation qui font plaisir à voir. Voilà. je ne sais pas comment terminer cette phrase, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir les augmentations de tout ça, grâce évidemment à des partenaires aussi. Il y a énormément de partenaires qui participent. Il y a des compagnies, il y a le gouvernement, il y a des agences, il y a des organisations, mm-hmm. Il y a des écoles, il y a plein de choses qui sont faites. C'est vraiment un des projets intercommunautaires et intergénérationnels également. Et c'est aussi ce qui fait la réussite de ces différents projets menés en Nouvelle-Zélande. Voilà donc. Quel projet, quand même. Ça fait longtemps. Tu disais 96, c'est ça ? Depuis 96, effectivement, qu'il y a un projet qui a été mis en place par le gouvernement. Mmh. Et ensuite, alors je pense que c'est dans la foulée, il y a eu aussi des associations qui se sont réunies. Avant, il y avait à mon avis des associations qui se sont réunies pour porter ce projet. De toute façon, le papier qu'on vous laissera dans la description détaillera vraiment tout, puisqu'il est très complet. En même temps, c'est un papier gouvernemental, donc forcément, c'est un papier très complet. oui, c'est vrai. Mais bon, là, c'est quand même le conducteur de l'intégralité du programme sur les 10 ans. Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui doit être quand même plutôt très solide. C'est grâce aux projections et aux différents projets qui sont réalisés un peu partout. Sans parler des projets, peut-être aussi déjà pour les Maoris qui apparemment avaient déjà conscience de l'importance de l'oiseau et de sa fragilité, ce qui fait que les Maoris en prenaient énormément soin, même si ils chassaient cet oiseau avec notamment des chiens et s'en servaient à manger lors de grandes cérémonies. Mais voilà, ce sont eux aussi déjà avaient la conscience de la fragilité de l'oiseau et de son habitat. C'est un peu un rituel aussi, non ? Ça faisait partie de certains... C'était un oiseau rituel, sacré, en quelque sorte, d'une certaine manière. Oui, il était utilisé pour confectionner des grandes capes pour certaines tribus maoris. Mm-hmm. Donc c'était quelque chose qui était... C'était un oiseau qui était extrêmement important. Le nom de ce vêtement s'appelle le werua, ou esprit des oiseaux. Oh, voilà. C'est joli ça, tiens. Ah oui, c'est joli. C'est quelque chose qui était utilisé lors des grandes occasions, donc décès, mariage et d'autres cérémonies. Voilà. Esprit des oiseaux, ça tombe bien. Ouais, c'est assez fantastique. C'est mieux que de l'appeler Pochipiu. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui il y a une évolution de la tradition. On a évoqué ça dans un précédent épisode lorsqu'on a parlé du cormoran. Oui. Mais aujourd'hui il y a une évolution de la tradition puisque la tradition est perpétuée toujours, mais cette fois-ci à l'aide de kiwis morts, mais de façon naturelle. Ah, d'accord. Okay. Il y a plus cette chasse qui est organisée. Soit c'est un kiwi qui est mort de façon naturelle, soit c'est un kiwi qui a été renversé par une voiture ou qui a été tué par un prédateur. D'ailleurs, il y a des panneaux en Nouvelle-Zélande qu'on voit parfois avec attention, il y a des kiwis qui traversent la route. et donc voilà, c'est aussi ça, entre guillemets, prendre conscience de la fragilité, c'est aussi changer ses mœurs et ses traditions. Et c'est ce qui est fait aussi par les populations autochtones. On sait que la Nouvelle-Zélande, en plus, ce sont des leaders dans la conservation des espèces, comme tu as cité le kakapo, par exemple, mais aussi il y en a beaucoup d'autres, et ils sont vraiment très très au point sur tout ce qui est espèces invasives, sur tout ce qui est gestion de l'environnement en règle générale. Je sais qu'il y a beaucoup de règles, par exemple, tu n'as pas le droit d'importer certains types d'animaux, que ce soit par exemple un chat domestique, tu n'as pas le droit d'en importer. Ceux qui sont déjà sur l'île, bon bah ils sont déjà sur l'île, ils vivront leur belle vie et puis ils mourront de leur belle mort, mais tu n'as plus le droit d'importer des espèces qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Zélande, c'est interdit. Et il y a beaucoup d'autres îles, parce que c'est une île, il y a beaucoup d'autres îles comme ça qui commencent à prendre le pas. L'île Maurice, par exemple, tu n'as pas le droit d'importer deux reptiles qui ne sont pas déjà présents sur l'île Maurice, parce que bah, normalement, de base, il n'y en a pas. Et ça peut ça pose des soucis. Oui, ça pose des soucis parce que l'Australie, par exemple, a provoqué un tollé en disant qu'ils allaient massacrer tous les chats qui étaient présents en Australie. Donc ça a forcément levé les boucliers. Il n'y a pas vraiment de bonne solution. Quand on perturbe un écosystème, on n'a pas de bonne solution à avoir. Soit on continue à le laisser perturber, soit on prend des actions, quitte à éliminer une espèce pour en protéger une autre. Ce qui se passe effectivement avec ces 700 000 espèces qui ont été piégées. Et je pense qu'une grande majorité a dû être éliminée pour protéger le kiwi. Donc il n'y a pas de bonne façon de faire. Parce que tu ne peux pas les garder en captivité. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces animaux en captivité? Quels moyens tu vas mettre en place pour les nourrir, pour s'en occuper, pour avoir de l'espace pour les mettre de manière correcte? Parce que tu ne peux pas non plus les jeter dans des cages trop petites ou des trucs comme ça. Donc tu ne peux pas non plus faire juste les garder en attendant qu'ils meurent. Tu ne peux pas non plus les stériliser. Ça n'a pas un impact suffisant ou suffisamment rapide pour protéger tes populations sauvages d'animaux endémiques. Donc ça devient très compliqué à gérer ce genre de truc. Mais c'est pour ça la Nouvelle-Zélande, ils ont toujours des programmes d'éradication, on parle pas de programmes de relocalisation, de stérilisation ou n'importe quoi. Non, clairement pas. De l'éradication des chats errants, des chiens errants, mais aussi et surtout des rats, comme tu l'as précisé. Il y a des endroits où il y a des trucs anti-rats, spécialement pour qu'ils ne traversent pas une certaine barrière naturelle qu'ils ont délimitée parce que c'était une réserve naturelle de l'autre côté, par exemple. C'est ça. Voilà. On va terminer sur une note un petit peu plus positive. Sachez que vous pouvez sponsoriser un kiwi parce que les Néo-Zélandais aiment bien quand on sponsorise des oiseaux. Donc pour 10$ par mois, si vous voulez, bien vous pouvez... faire en sorte de suivre un kiwi. Donc vous avez tout le rendu télémétrique, donc vous avez la possibilité de suivre votre oiseau. Si jamais vous voulez pour 10$ par mois, suivre un de ces oiseaux, et vous pouvez par la suite partager ses aventures et autres. C'est aussi un moyen que les Néo-Zélandais, parce que l'hôpital, on n'en a pas parlé, c'est environ 10 000 dollars qui a été utilisé. Une très grande partie des fonds ont été apportés par différents partenaires. Et il faut savoir que cette opération sur Kiwi Coast coûte environ par an à l'association 1 million de dollars. Et cette association se décharge à peu près de 90% du budget, c'est-à-dire qu'elle a juste à payer 100 000 dollars pour l'intégralité des choses qui sont réalisées. Donc il y a aussi une très très grande un très très grand soutien de la part des partenaires financiers pour aussi permettre à ce genre de programme de continuer à exister et de continuer à porter ses fruits. Mais par exemple pour le kakapo, on en parlait, et tu peux donner ton nom si tu veux un kakapo, moi il y en a une somme d'argent. C'est bien ça. Moi, je pense que c'est un truc que je ferai un jour. C'est, peut-être. Sponsoriser un oiseau, ouais. Ah, c'est incroyable. Ah bah. C'est pas juste le fait d'avoir son nom, enfin de donner un nom à l'oiseau, parce que vous pouvez donner n'importe quel nom. Mais évidemment, il faut que ce soit respectueux, etc. etc. Mais voilà, vous pouvez donner votre nom à un oiseau. Et, mais juste voilà, pour le faire et pour soutenir la conservation et la recherche, c'est génial. Voilà. C'est un beau geste. Ouais, dernière petite chose, parler des kiwis, etc. Sachez que vous pouvez assister au programme de relâcher, si jamais. Parce qu'il y a des kiwis donc, qui sont relâchés, évidemment, qui sont monitorés. Et tout ça, ce sont des activités en public que vous pouvez faire. Donc voilà, il y a par exemple le trapping workshop. Donc là, on va capturer les espèces pénibles, les espèces envahissantes. Et donc voilà, ça a lieu le 10 mars prochain. Podcast qui sera normalement diffusé bien après cette date, au mois de mars, mais bien après cette date. Mais voilà, sachez que vous avez tout un tas d'événements auxquels vous pouvez assister si jamais vous vous rendez en Nouvelle-Zélande. Et puis si vous nous écoutez de la Nouvelle-Zélande, ah bah écoutez, n'hésitez pas à nous en dire plus sur ces programmes de conservation du kiwi. Ah. Bon, j'ai été un peu long, j'en suis désolé. Mais non, c'était intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'on a pas encore plein de trucs, encore plein de trucs à dire sur le kiwi, alors que la prochaine fois. Voilà, on va faire un épisode spécial kiwi. Tu veux qu'on fasse un épisode spécial kiwi? En vrai, on pourrait. Hein. On pourrait faire un épisode spécial kiwi. Dernière chose sur le kiwi. Tiens, petite anecdote qui me revient. Mm. La femelle est dominante par rapport au mâle. Ah. Je ne savais pas. Ah bah, voilà. En même temps, vu l'œuf qu'elle pond, je peux t'assurer que ça ne m'étonnerait pas. il est vrai que l'œuf de kiwi, c'est... Mais c'est vrai que faire un épisode... Tu pourrais nous expliquer comment le kiwi peut pondre un œuf aussi gros et, Exactement, il y a des mécanismes intéressants. C'est vrai qu'il faut... Il y a des mécanismes hyper intéressants. Il faudrait qu'on fasse un épisode spécial kiwi, on va y réfléchir. C'est une bonne idée, très bonne idée. Eh bien, écoute, on va rester dans les bonnes nouvelles. Merci pour cette première bonne nouvelle. C'était très intéressant. Ah ben, écoute, merci à toutes les personnes qui participent à ces programmes. Hein. C'est, sans eux, la nature n'en serait pas là. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est ça. La conservation, c'est important. Et c'est encore plus quand je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a retrouvé une nouvelle espèce, encore une fois. Et l'importance, du coup, de ces programmes de conservation pour arriver à continuer à protéger ces espèces-là qu'on a... du mal à retrouver dernièrement quand même, mais qu'on retrouve à grand peine et qui sont toujours là malgré tout et qu'on se doit de protéger. Donc dernièrement on a retrouvé une espèce, hein, c'est tout récent, ça date d'il y a quelques jours, une espèce qui s'appelle le bagadé d'Albert. Alors c'est un sacré nom pour un oiseau qui finalement n'est pas si gros que ça. C'est un oiseau qui est un oiseau d'Afrique qui vit plus principalement dans les forêts du Congo. Et alors cet oiseau-là, on pensait qu'il avait disparu parce que ça faisait 20 ans qu'on l'avait pas vu. Alors bon, au bout de 20 ans, on se dit que généralement, bon, y a plus de chance pour qu'on le revoie, hein, c'est fini. Bah, sauf pour le picabec ivoire. Hein. oui, on va pas le remettre sur la table, hein. Celui-là, quand même. Ah mais il y en a certains qui l'ont remis sur la table, hein, ils se sont moqués des... Quand on vous dit que c'est... Oui mais bon, hein, non mais lui c'est pas un picabec ivoire, on a les photos pour le prouver et ce ne sont pas des espèces de taches floues qui sont prises à 2 km, hein, on est et d'accord. Justement, et justement ils s'en sont moqués, ils ont fait 6 semaines de recherche et on a une photo en HD de l'oiseau. Mais oui, En même temps ils ont tenu l'oiseau à la main, quand tu regardes la photo tu vois que le chercheur a trouvé un des oiseaux parce qu'ils en ont pas trouvé qu'un seul, il faut savoir qu'ils en ont trouvé 18 au total, ce qui est quand même pas si mal. Et ouais, incroyable. Et dans différents sites, alors pour tout expliquer parce qu'on va quand même repartir depuis le début, on est parti sur une équipe une équipe de chercheurs qui viennent de l'université du Texas à El Paso, qui donc ont passé 6 semaines à chercher dans la forêt équatoriale du Congo un oiseau perdu et 2-3 autres, hein, pas seulement celui-là, ils cherchaient plusieurs espèces, et ils ont été aidés pour ça des scientifiques du coin, parce qu'il y a aussi des scientifiques hein, au Congo, faut pas croire, bien sûr. Évidemment, du centre de recherche en sciences naturelles donc du Congo, qui les a aidés dans leurs recherches, et au bout de ces 6 semaines et d'à peu près 120 km qu'ils ont fait à travers la forêt, alors la forêt, pour vous donner une petite idée, on est sur une forêt alors décidue, c'est une des seules forêts décidues du Congo, qui est en altitude, hein, c'est une forêt montagneuse, et qui est pas très très facile d'accès, surtout cet endroit-là, mais surtout qui a quelques petits soucis dernièrement, parce qu'évidemment, on a à la fois des gens qui viennent récupérer des espèces qui sont en voie de disparition pour les revendre à bon prix, hein, ça s'appelle du braconnage. On a des gens qui viennent couper les arbres parce qu'il y a aussi des arbres bah, qui sont utilisés à la fois pour se chauffer, à la fois pour les revendre aussi, parce que c'est pareil, il y a des essences un peu rares. Et puis bah évidemment, on a les gens qui viennent déforester pour aller s'installer pour faire de l'agriculture, donc on a des zones qui sont un petit peu en danger dernièrement, et donc les zones qui ne sont pas encore déforestées, qui n'ont pas été attaquées par le braconnage et qui finalement ne sont pas très bien connues, bah, c'est les zones les plus difficiles d'accès, et c'est dans ces zones-là évidemment que les scientifiques sont partis rechercher ces oiseaux disparus. Donc 6 semaines, 120 km et une espèce retrouvée, en l'occurrence le bagadé, alors pas abeille qui voit, le bagadé d'Albert, n'est-ce pas, Prionops alberti, qui est l'une des 8 espèces de Prionops qu'on connaît aujourd'hui. Et okay. Voilà, il n'y en a que 8, il n'y en a pas beaucoup. Et qui d'ailleurs appartient à une toute petite famille, qui n'est pas très grande, une petite famille de passereaux, qu'on appelle les Vangidés, qui contient, alors que je regarde exactement, pas plus d'une 30aine d'espèces. Hein. Okay. Voilà. Donc c'est vraiment tout petit. Il y a plein de genres dedans, avec beaucoup de genres qui n'ont qu'une seule espèce, donc on est sur une famille qui est très diverse, vraiment très diverse, avec beaucoup d'oiseaux qui présentent des sortes de petites huppes, ou des colorations un peu sympas. Par exemple, le bagadé ici dont on parle, d'Albert, bah il est noir au niveau du plumage en règle générale, avec un bec assez long, un peu noirâtre aussi, mais il a une crête jaune qui part du bec jusqu'à l'arrière du cou, qui est finalement assez grosse, et qui est d'un jaune vif, qui est sublime, absolument sublime. Et beaucoup de ces bagadés ont aussi des touches de couleur comme ça, sur un plumage assez sombre ou assez sobre aussi, avec du blanc des fois. Et une touche de couleur sur la tête, certainement peut-être utilisée lors de la parade nuptiale, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la caractéristique de cette... de ce genre-là. Et donc une toute petite famille qu'on ne connaît pas très bien, du coup, vu que certaines des espèces sont vraiment soit en voie d'extinction, soit en voie de disparition, soit tout simplement disparues, ou qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, bah, comme celle-là. Ces scientifiques sont partis là-bas, et pourquoi est-ce qu'ils... Finalement, c'est pas la seule expédition de personnes qui ont voulu retrouver des oiseaux cette année, et qui ont d'ailleurs réussi à retrouver des oiseaux cette année. Hein. Y a eu pas mal d'expéditions comme ça qui se sont produites ces dernières années, parce qu'on essaie justement d'atteindre des coins du globe qui ne sont pas régulièrement visités, où on pense que peut-être il y a des poches, des derniers endroits où ces oiseaux peuvent survivre. Et la plupart de ces recherches d'oiseaux sont faites dernièrement par une association qui s'appelle The Search for Lost Birds, qui du coup est une association qui a été faite par l'American Bird Conservancy, qui s'est mis dans une sorte de partenariat avec ReWild et avec BirdLife International, et du coup qui a lancé en 2021 cette initiative pour retrouver les oiseaux disparus de par le globe, et qui du coup depuis 2021 a lancé des tas d'expéditions à droite et à gauche pour essayer de retrouver. Alors ils ont retrouvé pas mal de trucs, ils ont retrouvé le woodpecker de Campfer par exemple, alors je okay. sais plus les noms français, donc je vais vous les dire en anglais, vous m'excuserez un petit peu hélas, le long whiskered owlet, donc on est sur une petite chouette, le okay. blue-eyed ground dove, enfin bref, il y a plein d'oiseaux comme ça qu'ils ont retrouvés dernièrement, qui avaient disparu depuis des années, des dizaines d'années, 20 ans, et qui finalement ne sont pas totalement disparus. Alors, une fois qu'on a retrouvé ces oiseaux, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'après tout, c'est la question. Alors, vous avez retrouvé ces oiseaux, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse là? Est-ce qu'on les prend, on les met en captivité pour les faire se reproduire? Est-ce que on a des programmes de conservation qui sont mis en place? Est-ce qu'on les tue? Voilà. Est-ce qu'on les tue? Mais c'est une vraie... Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question. Voilà. Parce qu'il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, du Martin chasseur à lunettes de 2015 qui avait été retrouvé en Amérique du Sud. Oui. Et le chercheur l'avait tué. Voilà. Au lieu de le bailler, de le laisser vivre dans la nature, quoi. Donc c'est une vraie question qui se pose. C'est ça, c'est une vraie question, parce que comme pour celui-là, par exemple, est-ce que du coup c'est mieux de laisser l'espèce disparaître, ou est-ce qu'au contraire il faut l'aider à continuer à vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut l'aider à continuer à vivre? Est-ce qu'il y a déjà suffisamment d'individus pour que ça continue à perdurer? Ou est-ce qu'on a déjà tout détruit de toute façon? Est-ce que c'est plus la peine? Est-ce qu'on a plus suffisamment de génétique pour continuer à les reproduire sans qu'il y ait un bottleneck absolument incroyable et que de toute façon l'espèce dégénère à tel point qu'ils survivront pas? Ou alors est-ce que il y a suffisamment d'individus et on peut peut-être mettre au point un programme de conservation, de protection des endroits dans lesquels elle vit, ou simplement de la reproduction en captivité si les zones dans lesquelles elle vit sont extrêmement menacées. Donc il y a plein de possibilités dans ces cas-là, et pour celui-là, pour l'instant, alors l'équipe n'a pas encore décidé vraiment de ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils viennent à peine de les retrouver, donc ça demande un petit peu quand même de tergiversation, on va dire, il faut discuter. Mais pour l'instant, la zone dans laquelle ils sont n'est pas encore immédiatement menacée par les problèmes de déforestation, de braconnage, etc. Donc pour l'instant, c'est encore assez safe, sachant qu'ils ont en plus trouvé l'oiseau non pas à un endroit, mais à 3 endroits différents dans cette zone-là. Donc ils pensent quand même, pour un total de 18 individus qu'ils ont réussi à trouver quand même, ce qui est pas si mal. Donc ils se disent que, bon, la répartition de l'espèce, peut-être qu'elle n'est pas très étendue, mais pour l'instant, elle l'est suffisamment pour que l'espèce continue à vivre toute seule tranquillement dans la nature, à condition qu'on lui fiche la paix, évidemment. Donc ils ont décidé de les laisser là pour le moment, et peut-être de revenir avec des programmes de conservation qui vont du coup se concentrer sur cette zone-là, parce que dans cette zone-là, il n'y a pas que cet oiseau-là, au final, il y a aussi d'autres espèces. Ils avaient notamment un herpétologue qui était venu avec eux, parce qu'il n'y avait pas que des ornithologues sur la mission, et cet herpétologue a trouvé une espèce d'amphibien qui avait disparu, elle aussi, depuis un certain temps, qui n'avait pas été vue, du moins depuis un certain temps, parce qu'il n'avait pas été vu depuis les années 50, 1950 quand même. Ah oui. Et oui, donc on est quand même sur une expédition qui a eu des résultats très intéressants, mine de rien. Donc voilà, il se pose des questions, et puis après il y a toutes les histoires aussi de changement climatique, parce que là on est sur des espèces qui vivent dans des forêts, alors c'est des forêts d'Afrique évidemment, mais on n'est plus du tout sur des forêts que vous représentez peut-être, qui sont des forêts tropicales africaines. Là on est sur une forêt d'Afrique, mais qui est en altitude, donc on est plus sur une forêt qui est un peu plus tempéré en quelque sorte. C'est pas exactement une forêt tempérée comme on peut avoir en Europe, mais on est sur une forêt différente de la forêt tropicale. On est sur une forêt qui va par exemple perdre ses feuilles à une certaine période de l'année. Donc on est vraiment sur un truc un peu différent, et on en a pas beaucoup de ce genre de forêt d'ailleurs en Afrique, donc c'est pour ça que ce site là particulièrement est classé parmi, je crois que c'est les 250 ou les 300 sites les plus importants à protéger, qui sont des exemples de certains... Alors, c'est pas les hotspots de biodiversité, Non, ce sont des exemples typiques d'un type d'écosystème. Donc, ce site-là est un exemple typique de ce type d'écosystème qui, du coup, n'est pas vraiment présent à de très nombreux endroits du globe, malheureusement. Donc, si jamais on le perd, lui, on va perdre aussi toutes les espèces qui y sont associées. D'où l'intérêt, du coup, de... dessiner des programmes de conservation qui vont protéger cette zone au maximum, et donc là ils vont s'associer, alors ils espèrent en tous les cas, je sais pas si ça se fera, mais ils vont essayer de s'associer avec non seulement le Congo lui-même, qui va pouvoir mettre en place des projets de conservation sur son propre territoire, mais aussi peut-être avec l'Ouganda et avec la Tanzanie, parce que cette forêt-là et cette chaîne de montagnes s'étend non seulement sur le Congo, mais elle est aussi à la frontière de l'Ouganda et de la Tanzanie, puisque c'est les deux pays qui vont border le Congo sur sa côte est. Voilà. Ok. Donc, vous imaginez bien que du coup, il va falloir, si on veut protéger toute la zone, une entente entre ces pays-là pour arriver à avoir des programmes de conservation qui sont cross-border, qui vont du coup pouvoir vraiment protéger l'espèce au maximum sans qu'il y ait des incursions d'un côté ou de l'autre. Parce que bon, c'est des zones qui sont... qui font vraiment tampon entre les pays. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une frontière. Et puis c'est des zones aussi à forte instabilité politique, donc pas forcément évident de se mettre d'accord aussi. Exactement. Entre les différents partis. Donc exactement, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. C'est le martin chasseur à moustache. C'est le martin chasseur à lunettes, c'est à moustache. D'accord. 2015, des îles Salomon. Et il a été capturé du coup, et ensuite éliminé par Chris Filardi. Oui. Et ça avait suscité beaucoup d'indignation de plusieurs chercheurs. Oui. Et certains avaient même réclamé un débat moral pour oui. savoir si on devait éliminer les espèces ou pas lorsqu'on les trouve pour la première fois. Ce qui est paradoxal quand on y pense, mais Chris s'est défendu en disant que c'était une analyse qui pouvait l'analyser et que c'était un spécimen utile pour des études complémentaires. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Alors, on est 10 ans après, enfin quasiment 10 ans après, mais est-ce que ces discussions ont encore lieu dans la communauté scientifique ou on s'est arrêté sur un consensus vis-à-vis de la découverte pour la première fois de ces espèces, oiseaux ou autres d'ailleurs? Alors, je trouve que tuer une espèce qu'on vient de redécouvrir, c'est un petit peu contre-productif. Après, c'est mon avis à moi. Oui. Ce que je vais te donner, c'est mon avis à moi, évidemment. Ça ne fait pas consensus dans la communauté scientifique, parce que, comme tu le dis, il y a possiblement des gens qui ne sont pas d'accord et qui font débat. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, certes, tu vas avoir un spécimen, mettons... Enfin, ça fait très 19e pour moi. Tu vois un spécimen pour la première fois. C'est vrai. Mais oui, c'est non, vrai. Mais faut être logique. Tu vois un spécimen pour la première fois. Bon, bah, tu vas décider de l'empailler pour le mettre dans ta collection. C'est très 19e quand même. C'est vrai. Oui, bah, c'est un peu ça. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué pour le ramener. Alors, le but, c'était à but d'étude. Évidemment que c'était à portée étude. On l'a ramené au muséum. On a essayé de l'étudier. On l'a gardé en collection pour avoir une trace véridique de l'espèce en question. Je cite Chris Filardi qui dit « Nous avons maintenant un ensemble complet de matériel biologique pour réaliser des études toxicologiques, morphologiques, moléculaires et du plumage qui ne sont pas possibles à partir d'échantillons de sang, de plumes ou de photographies. » Oui, sauf que le problème, et ce qu'il ne voit pas non plus là-dedans, et ce que tu vois très bien quand tu travailles avec les zoos et les aquariums qui font de la conservation, c'est que si tu réussis à capturer certains individus, il est possible, plutôt que de les tuer, si tu tiens vraiment à faire des études sur eux, de les maintenir en captivité pour avoir non seulement des études, comme il dit, morphologiques, toxicologiques, etc., mais aussi des études sur le comportement de ton animal, qui seront certainement un petit peu biaisées parce que tu l'auras en captivité, mais qui, mine de rien, seront beaucoup plus intéressantes sur la biologie de l'animal, parce que tu vas te rendre compte qu'il va lui falloir fournir une certaine source de nourriture, parce qu'il ne mangera pas autre chose, que tu vas pouvoir étudier, du coup, son éthologie, voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit à tel ou tel stimulus, comment est-ce qu'il se comporte, et peut-être même arriver à en faire de la reproduction en captivité pour, par la suite, conserver l'espèce. Donc pour moi, tuer l'animal comme ça, en disant « Ouais, mais c'est le premier spécimen, il nous faut un spécimen pour le musée », ouais. Je crois qu'il n'a pas été retrouvé depuis. Hein. Je crois qu'il n'a pas été retrouvé depuis, le pauvre martin chasseur à moustache. Bah non, si ça se trouve, c'était le dernier spécimen. Mais du coup, plutôt que de le tuer, pourquoi est-ce que tu... À la rigueur, alors moi, je l'aurais laissé dans la nature, évidemment, mais mettons que tu tiennes vraiment à l'étudier. Dans ces cas-là, tu le prends, tu le mets en captivité, tu le donnes à des gens qui sont capables de maintenir en captivité d'autres martins pêcheurs ou martins chasseurs, si tu veux, et qui, du coup, sont tout à fait à même, parce qu'on a ces spécialistes-là, on les a en captivité, on les a des gens qui sont capables de maintenir des espèces d'oiseaux. Et même si tu ne connais pas cette espèce d'oiseau en particulier, t'as d'autres espèces sœurs, cousines, qui sont capables, qui te donnent une idée de ce que tu dois fournir à l'animal, et en plus, le milieu dans lequel tu vas trouver te donne une idée de sa niche écologique et de ce qu'il lui faut en termes de vie, que tu vas devoir lui fournir en captivité. On est tout à fait capable de fournir en captivité les conditions de vie nécessaires, au moins à la survie, si ce n'est à la reproduction de ces espèces-là. Donc pourquoi est-ce que tu ne l'as pas simplement capturé pour l'amener en captivité? Alors peut-être que les conditions n'étaient pas possibles, peut-être qu'il était paumé au milieu de nulle part et que de toute façon il n'avait pas de cage pour le ramener. Salomon, on peut supposer qu'effectivement il y a un isolement insulaire qui fait que... Oui, mais là, certainement, tu peux ramener du matos aussi. Moi, j'étais parti pour le baguer. Je pense que. Oui. Je sais plus. J'avais lu à l'époque que c'était un consensus qui était. Pourquoi on l'a pas bagué et on l'a laissé. On l'a laissé repartir et voilà, on voyait un petit peu ce qui était fait. Au pire, tu lui mets un signal GPS sur le dos. Ça, c'est possible aussi. Hein, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, pour moi, c'est une réaction qui me semble assez. Assez incongru, j'aurais pas fait ça. Comme je te dis, ça fait très 19e. Voilà. J'aime beaucoup cette conclusion. Mais c'est vrai que ça fait très 19e. Ça fait très Jean-Jacques Audubon avec son fusil qui va tirer un oiseau et qui va faire. Bon, bah maintenant, on va voir ce qu'il peut nous apporter comme information. Exactement. Totalement. Écoute, c'est sur cette information qu'on va se quitter. On va néanmoins parler rapidement de Flacco, que tu connais peut-être. Flacco, on finit un peu mal l'épisode, mais Flacco qui était, tu sais, le hibou qui s'était échappé du zoo de Central Park, malheureusement retrouvé décédé. Oui. Il était né en captivité, il avait été relâché le 2 février 2023 après un acte de vandalisme et malheureusement il a été retrouvé mort vendredi dernier à l'âge de 13 ans. J'ai l'impression d'être au JT. voilà, on parlait de Pale Mail dans un précédent épisode qui était une coqueluche de Central Park. Flacco était aussi une coqueluche de Central Park et malheureusement on a appris son décès après avoir visiblement heurté un immeuble. Voilà. Aïe. Zut. Aïe. Et ouais. C'est là-dessus qu'on va finir. Mais voilà. On était parti pour des bonnes nouvelles aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous racontes là, la nouvelle déprimante de la fin d'épisode? Sérieusement. C'est vrai. Je suis désolé. Non, mais fallait en parler. C'est clair. Mais oui, il fallait en parler. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir éclairé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on est bon. Bah, je pense effectivement qu'on est bon parce que ça fait 40 minutes qu'on enregistre, donc on va, mine de rien, le temps passe vite. On va donc vous remercier toutes et tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux à le faire. On retrouve Le Plumeux du coup sur Twitter @leplumeux, donc Sophie @leplumeux. Vous retrouvez Sophie également sur Twitch, vous retrouvez Sophie sur Entracte Science aux côtés de Julien, et vous retrouvez l'émission bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Salut à tous et salut à toutes et à la semaine prochaine. À plus.